guide de l'utilisateur d'Assemblage Requis. Donc, on vous présente les meilleures chroniques et les chroniques préférées de chacun des participants dans Assemblage Requis. Et on écoute aussi des chroniques de Vidéo à droit à la question. Et on va d'ailleurs commencer par leur première chronique qui a eu lieu en 2010. Voici les hommes battus avec Papou, le clown battu. Ce temps d'antenne est une présentation du Conseil du statut des hommes qui voudrait vous livrer un témoignage sur une réalité taboue, les hommes battus. Voici l'histoire de Papou, le clown battu. Salut, moi c'est Papou. Papou c'est mon nom de clown. C'est gênant à dire, mais je suis un clown battu. Lorsque la journée au cirque est terminée, je me prends toujours une raclée en rentrant à la maison. Allô, Monique, c'est moi. Et c'est l'enfer qui recommence. Quand je pratique mon unicycle, parfois Monique me pousse en bas des escaliers. Quand Monique me cuisine une tarte, elle finit toujours par me la balancer en pleine tranche. Pauvre de moi. Pour son anniversaire, je lui ai offert un petit chien en ballon. Et elle l'a tué. Vous savez, c'est pas parce que ça fait pouette-pouette quand on me tape sur la gueule que c'est drôle. Je me couche chaque soir, exténuée. Le lendemain, je fais comme si de rien n'était. Je me maquille devant mon miroir pour cacher les ecchymoses sur mon visage. Vous savez, parfois il y a des films d'horreur avec des clowns méchants. Mais moi, dans mon film, c'est le clown, la victime. C'était le témoignage de Papou, le clown battu. Il n'y a pas que des clowns battus. Il y a aussi... des ambulanciers battus, des acrobates battus, des arpenteurs géomètres battus, des naturopathes battus, des femmes des Maple Leafs de Toronto battus, mais ça c'est normal parce que les Maple Leafs se font tout le temps battre, des joueurs de tuba battus, des danseurs en tutu battus, des travailleurs de rue battus, des techniciens en intervention dans les maisons de femmes battus, battus, des perles sucrues qui lui a répondu « Non, ton chat n'est pas perdu, battu, c'est que des acteurs porno avec des gros battes battus, ça se pourrait-tu que ça se finisse là-dessus ?» C'était l'histoire de Papou le clown battu hein, dans ce guide de l'utilisateur d'Assemblage Requis. C'était la première capsule de Vidéo à droit à question qu'on va entendre dans cette émission de 3 heures. Et il nous en reste une bonne douzaine. Et la prochaine va être celle qui était en direct du Salon de l'Auto 2010. Voilà donc le guide continue au retour avec justement cette deuxième capsule de Vidéo à droit à question. Alors restez avec nous. Assemblage Requis pour toi aujourd'hui. C'est fou, 89.1. Nouvelle génération. Vous êtes assez fou. Vous écoutez le guide de l'utilisateur d'Assemblage Requis sur C'est fou. Bonjour mesdames, messieurs, mon nom est Luc et je suis en direct du Salon de l'Auto 2010 en compagnie d'un spécialiste de l'avant-garde automobile, Marc. Bonsoir Marc. Bonsoir Luc. Marc, ce qui est spécial dans l'édition du Salon de l'Auto de cette année, c'est qu'il y a des modèles qui ciblent vraiment des clientèles particulières et vous êtes ici pour nous en montrer des exemples. Oui, tout d'abord, on a un nouveau modèle de char sport, la Nissan Lavalloise, adapté pour les jeunes conducteurs de Laval. Mais voyons Marc, le volume est donc bien fort. Oui, il est pas mal dans le prelat, je sais qu'on va juste le fermer en attendant, question qu'on puisse s'entendre. Puis on n'aurait pas pu juste baisser le volume. Non, les études ont prouvé que les jeunes de Laval n'utilisent pas ça, le volume. Fait que le son peut rien qu'être fort ou bien éteint. Je remarque aussi que les bancs ont une drôle de texture, Marc. Oui, les bancs sont rembourrés avec du silicone. Comme ça, quand tu t'assois, t'as l'impression de t'asseoir sur des faux seins. Ça, c'est pour pas trop dépayser les jeunes Lavalois, pour leur rappeler leur mère. Une texture qu'ils connaissent bien. Et puis si tu regardes en dessous du char, tu vois qu'il y a une hose intégrée pour rincer ton entrée quand tu recules. Ça fait tellement Laval, ça me donne quasiment le goût de me raser des motifs d'un cheveu, de bronzer orange, de me mettre une casquette à l'envers, puis d'aller clubber ben gelé sa pinotte au fuzzy. Hey boy! Sinon, ici, Marc, la voiture avec le gros crucifix sur le capot, ça a un rapport avec la religion? Oui, il s'agit de la biblique Trinité, qui est un char conçu pour les prêtres. Par exemple, t'as le siège du conducteur, qui est rétractable pour pouvoir chauffer à genoux. Mm. Une position que les prêtres aiment particulièrement. Mm-hmm. Par contre, ce qui marche moins bien que le char de prêtre, c'est le GPS. Parce que peu importe le chemin que tu pitonnes dedans, il va toujours t'indiquer un chemin qui mène à Rome. Sinon, Marc, j'aimerais savoir, la mode est aux voitures économiques. Qu'est-ce que vous offrez comme modèle économique cette année? Ben, on a deux modèles. D'abord, on a le modèle pour BS, mm-hmm. qui est facilement démontable au cas que t'aies besoin d'en vendre des bottes au pawn shop. Toujours pratique. Et on a également le modèle pour anorexique, juste ici. Le modèle pour anorexique, ça, c'est parfait pour les gens avec un petit budget. Parce que tu peux rouler un bon bout avec, même quand la tank est vide. Mais les sièges sont un peu raides, par contre. On dirait qu'il n'y a pas vraiment de rembourrure. Non, en effet, c'est déplorable. Il reste plus rien que le cuir et les springs. Et qu'est-ce qui est écrit dans le rétroviseur, Marc? Ben, vu que c'est un modèle pour anorexique, on a changé le message dans le miroir. Fait que c'est écrit « Les objets dans le miroir paraissent toujours plus gros que ce qu'ils sont dans la réalité. » Une autre capsule de vidéo à la question, une capsule inédite du début de 2010. On l'avait pas joué même souvent ici à Assemblage Requis. Bref, il y en aura d'autres tantôt. Il nous en reste une bonne douzaine. Là. Il va y avoir un commentateur sportif qui confond relations amoureuses et hockey un petit peu plus tard dans le guide de l'utilisateur d'Assemblage Requis. Mais pour l'instant, on continue comme on le fait depuis le début de l'émission, hein, avec les chroniques préférées de nos chroniqueurs. Et le prochain, celui qui faisait sa chronique tous les lundis, ben, en fait, les lundis aux deux semaines, c'était Alexandre Delage avec Sortie des Boulamites. Et voici la chronique qu'il a choisie, sa préférée. C'est celle du 8 mars 2010. Alexandre Delage qui est au bout du fil présentement. Salut Alex. Salut, ça va? Oui, très bien, toi? Ben oui. Hey, cette semaine, tu nous sors deux groupes des Boulamites qui, moi, personnellement, me touchent personnellement parce que c'est vraiment deux groupes que j'écoutais quand j'étais jeune. J'imagine que toi aussi, si tu as décidé de sortir ça des Boulamites, ça devait être des trucs que tu écoutais quand même dans le temps. Ben, c'est des trucs que j'écoutais, oui, pour vous être quoi, non, pour les mauvais quarts d'heure. Les mauvais quarts d'heure, j'ai découvert un peu plus tard. OK. J'aimerais profiter du temps que je suis là pour inviter les auditeurs à m'envoyer leur boulamite, soit via l'adresse des lutins de l'enfer ou soit par vous, Assemblage Requis. Et vous allez me transmettre ça, j'en suis sûr. Très bonne idée, ça. Fait que dans le fond, la boulamite doit être entre 1990 ou 2005, et puis il faut que ça soit un genre de One Hit Wonder ou un album qui a du succès, mais qu'on n'entend plus parler du gras. OK. Un exemple de choses que je ne prendrais pas, si vous m'arrivez avec Sexy Boy de Air, ben, je ne le passerai pas parce qu'on entend encore du Air à la radio aujourd'hui. C'est bon. Puis... Que, mes deux choix pour cette semaine, bon, j'en ai parlé tantôt, Red Car avec la pièce L'Homme Party Man, c'est sorti en 98, c'est tiré d'album Ami Yao. J'avais bien aimé cet album-là. Kiwan, tu me disais que tu connaissais toi aussi. Ouais, c'est ça, c'est leur premier album complet. Il y avait eu un petit démo, je pense, avant. Ça a été le seul, en fait. Je pense que c'est leur seul album complet, celui-là, avec L'Homme Party Man dessus. Oui, c'est ça. J'ai fait des recherches. Le groupe s'est séparé après. Il y avait aussi La Récolte qui avait sorti un vidéoclip tiré de cet album-là. Donc, c'était trop de succès pour eux. Le groupe n'a pas supporté de devenir de si grandes vedettes. Oui, exactement ce qui s'est passé, j'en ai absolument aucune idée. OK, donc... Avant, on va entendre une pièce des Mauvais Quarts d'heure. La pièce Myriam, tirée de l'album Gaucher. Eux aussi, ouais, c'était leur seul album, ça aussi, hein, l'album Gaucher. Ils ont eu un autre album avant, il y a un EP, mais ça a été des albums là, plus underground, distribués par eux autres mêmes, si je me trompe pas. OK, mais sur cet album-là, Gaucher, je pense qu'il y a quand même eu quelques extraits. Je pense qu'il y a eu plus qu'un clip, il me semble, pour eux. Ouais, ben, de mémoire, il y a eu tous pareil, puis Myriam, mais je me demande s'il n'y en a pas eu un autre. Ça se peut, ouais. Ensuite de ça, le guitariste chanteur, on a pu le retrouver dans le groupe Maharaja, qui s'est séparé en 2008, puis là, il est dans le groupe Porcelaine. Je sais pas si ça dit quelque chose. Porcelaine, j'ai déjà entendu ça quelque part. Ouais, ça me dit quelque chose. Fait que c'est l'ancien chanteur des Mauvais Quarts d'heure, ça, Porcelaine. Ouais, qui était à la guitare dans ce groupe-là. Wow, je pensais pas qu'il y avait toujours quelque chose qui vivait dans les Mauvais Quarts d'heure, mais... C'est quand même bon à apprendre. Et moi, je me souviens, il était venu à Drummondville parce que moi aussi, je viens de Drummondville, comme le lutin dit. Et puis, chanceux. On est chanceux quand même. Hein. Et là, t'es en minorité, Mathieu. Ouais. Plante, fait que commence pas à faire le smack. Il est visible ici. Là. Il était venu en première partie de Jean Leloup, Mauvais Quart d'heure. C'était vraiment très drôle. OK. Il avait-tu donné un bon spectacle, au moins? Oui, oui, c'était quand même un bon show. J'avais l'impression d'être le seul qui avait du fun et qui les aimait, mais ouais, c'était quand même un bon show. Sur scène, là, c'était quand même pas pire, mauvais quart d'heure. Ouais. OK. Fait que j'ai rien d'autre à rajouter. C'est bon, donc on va écouter L'Homme Partyman de Redcore et Myriam des Mauvais Quart d'Heure. Et on répète dans le fond aussi que si les gens veulent t'envoyer leur vieux succès sorti des Boulamites, leur One Hit Wonder, peuvent faire ça soit par Assemblage Requis ou sinon par la page. L'adresse. Sur le site de C'est Fou, les animateurs, dans le fond, l'adresse des Lutins de l'Enfer. Exactement. Mais on écoute aussi justement les Lutins de l'Enfer vendredi à 20h. Dans plein ça. Merci beaucoup, Alex. Ça fait plaisir. Salut, bonne semaine. Achevez pas l'histoire. Myriam dans le noir. Myriam pour un soir. Achevez sans effort. Myriam et la mort. Myriam pour son corps. La chronique sortie des boulamites d'Alexandre Delage, c'était sa préférée depuis le début de notre émission Assemblage requis. C'était celle du 8 mars 2010. Si vous voulez entendre l'émission au complet, l'émission dans laquelle cette chronique était, allez sur assemblagerequis.com. Le lien est dans l'émission de cette semaine. Vous êtes dans le guide de l'utilisateur d'Assemblage requis où on vous présente les chroniques préférées de chacun de nos chroniqueurs à Assemblage requis. Et aussi, les chroniques vidéo à la question qui ont été produites cette année en 2010. Et justement, on est rendu à la troisième chronique de VDQ. Voici un commentateur sportif qui confond relations amoureuses et hockey. Vidons là dans la question. Bienvenue, mesdames et messieurs, à cette émission d'avant-match. Vous êtes en compagnie de Gary de la Chenelière et de Vinny Langevin. Bonsoir, Vinny. Bonsoir, Gary. D'entrée de jeu, Vinny, j'aimerais parler du problème pour le Canadien de se trouver un centre d'envergure, un centre numéro 1. Un peu comme un homme qui aurait de la difficulté à se trouver la femme de sa vie. C'est une belle comparaison, ça, Vinny. Moi, je n'ai pas ce problème-là avec ma femme Marie-Claude, à qui j'ai fait signer un contrat à long terme à l'église. Car Marie-Claude est une joueuse de concession hors pair. Oui, oui, c'est très charmante, ton épouse, mais. On était une couple à l'avoir spoté dans les mineurs. Oui, oui, Vinny. Mais crois-tu que 8 millions de dollars par année, c'est trop cher payé pour l'acquisition d'un centre numéro 1. Je sais pas, mais tout ce que je peux dire, moi, c'est que j'ai pas la latitude nécessaire sur ma propre masse salariale pour signer Marie-Claude à 8 millions. Oui, bon, je pense qu'on a compris l'image, mais Vinny, penses-tu qu'il y a pas un danger qu'un joueur ralentisse la cadence après avoir signé un contrat à long terme d'une telle envergure? Marie-Claude, c'est sûr qu'après le mariage, elle s'est assise sur son gros contrat. Vinny? Un peu comme le fait Scott Gomez avec les Rangers. S'il te plaît. À la différence qu'elle, elle a commencé à s'imposer physiquement, si tu vois un peu. Oui, on comprend. La comparaison. Elle a arrêté de livrer la marchandise. Heureusement, j'avais ma maîtresse Vicky qui est mon centre numéro 2 personnels qui a pris les choses en main. Parce que Vicky, bon. Oui, parlons de Sakou Koivu. Est-ce que tu crois C'est drôle, Gary, que tu me parles de Koivu, parce que j'ai toujours fait un parallèle entre Sakou Koivu et ma maîtresse Vicky. Parce qu'à un moment donné. J'ai soumis Marie-Claude au balotage, et bon, même si personne ne l'a réclamé, j'ai fait monter Vicky sur le premier trio. Et tout comme Sakou Koivu, elle a craqué sous la pression. Elle n'avait tout simplement pas l'étoffe d'une bonne épouse. Bon, là, ça suffit, Vinny. Gary, faut pas faire jouer un centre numéro 2 sur un premier trio. On a compris. Ça crée de la tension dans le vestiaire. À un moment donné, là, la communication était tendue entre Marie-Claude et la direction. Vicky suivait pas le plan de match. Heureusement, j'ai pu compter sur ma vieille amie Louise, tu la connais, mon centre défensif de troisième trio, que j'ai pu envoyer dans la mêlée. Là, ça commence sérieusement à charrier, Vinny. Si tu savais, Gary, son habileté à faire des passes transversales. S'il te plaît. Toujours bien positionné. S'amuse profondément dans son territoire. Elle a du plaisir à jouer, là, ça paraît. Vinny, on est ici pour parler de hockey. Non, Gary, attends, faut que je te raconte ma séance de repêchage aux Lovers. Ça s'est passé la semaine dernière, et bon, dans les derniers tours, vers les 3h du matin, il restait plus grand chose, alors je me suis ramassé vraiment un centre de quatrième trio. Oui. Écoute, Gary, à la clarté, elle ressemblait quasiment à Rod Brind'Amour. Un vrai pichou, je n'ai pas eu d'autre choix que de la retourner à Hamilton. Vinny, tu m'étonneras toujours. Comment fais-tu pour jongler avec tous ces trios? Écoute, Gary, ça se fait, mais c'est la grosse difficulté, c'est d'éviter de pogner des punitions pour avoir mis trop de joueurs sur la patinoire en même temps. Et un commentateur sportif qui confond relations amoureuses et hockey, c'est une capsule de Vidon dans la question qui a été produite. Beaucoup trop de syllabes là-dedans, qui a été produite en 2010. Il nous en reste une dizaine à entendre d'ici la fin de cette émission. Vous êtes dans le guide de l'utilisateur d'Assemblage requis où on vous présente nos chroniques préférées, en fait les chroniques préférées de chacun de nos chroniqueurs, sinon qui ont Colin de la misère aujourd'hui, qui ont choisi, c'est eux qui ont choisi ces chroniques-là. Voilà. Il nous en reste plusieurs de ces chroniqueurs à entendre. Plus tard, il va y avoir Paul is Dead avec Simon Fitzbay. Il va y avoir la chronique humoristique des Incorrigibles, ton plat favori avec Stéphanie Gagné, mais... Tout de suite, à l'instant, là, on s'en va entendre la chronique plein air d'Émilie Gauthier. Et on parlait de tante cette semaine-là dans la chronique « Veux-tu sortir avec moi? » Salut Mathieu. Salut Kiwan. Je peux pas rater la chronique plein air, hein, moi qui est tellement un gars d'extérieur. Je savais que tu reviendrais pour la chronique d'Émilie. Qu'on accueille tout de suite. C'est « Veux-tu sortir avec moi? » selon la chronique. Kiwan oublie des noms de chroniques de temps en temps, mais faut pas y en vouloir. Ça m'arrive régulièrement, en fait. Ouais. Donc, bonjour Émilie. Allô! Aujourd'hui, tu nous parles de ta tante Labri, si j'ai bien compris. Mais non, Mathieu, non. C'est pas ça. Je trouvais que ça n'a pas de sens. C'est plus Kiwan qui m'a fait remarquer que comment ça fait que t'as une tante Labri si tu t'appelles Émilie Gauthier. Mais ça pourrait être du côté de ton... C'est ça, ça pourrait être comme la femme du frère de mon père. Ben c'est ça. Ça aurait pu. Fait que ça n'a pas rapport, Kiwan, tu étais dans le champ complètement, parlant de champ. Le champ, ah! Tu peux monter une tante dans un champ. Ben oui! Une tante, ça se monte n'importe où. Non, là, Mathieu... On n'a pas fini, hein, les jeux de mots. Là, Mathieu, je vais te faire une description. Aujourd'hui, on ne parle pas de la personne physique. Une tente, là, c'est un petit abri pour passer la nuit en plein air. Un refuge, un petit chez-soi qu'on plante où bon nous semble. Ben, il y a quelque chose de lubrifié, oui. Entre deux bouts de randonnée ou un camping. Même avec ta description, ça s'applique aussi à une tente. Je ne sais pas si tu as remarqué.

Ah, moi, j'ai jamais eu autant honte de moi et de nous tous, finalement, dans cette chronique-là. C'était vraiment incroyable. C'est la chronique préférée d'Émilie Gauthier depuis qu'elle fait sa chronique plénière. Veux-tu sortir avec moi? C'était celle du 13 avril. Elle écoutait l'émission au complet. Il y a d'autres références aux tantes en allant sur assemblagerequis.com. Cliquez sur l'émission de cette semaine. Notre guide de l'utilisateur d'Assemblage Requis. Ça fait un petit bout qu'on n'a pas eu de musique, donc on écoute un petit peu de Zeus. Voici How Does It Feel au 89 FM. Waiting for your chance to get away. Planning your escape for days and days. You can feel the earth under your feet. You are like a dog who roams the streets. And how does it feel? How does it feel? How does it feel? Bonjour, c'est toujours dans le guide de l'utilisateur d'Assemblage Requis où on vous présente les chroniques préférées de chacun de nos chroniqueurs. Donc, on a vraiment demandé à chacun de nos chroniqueurs qui était leur meilleure chronique ou celle qui les a plus fait rire ou où ils ont eu le plus de plaisir, n'importe quoi. Jusqu'à maintenant, on a entendu Maxime Lemulin-Ramé avec sa chronique télécharge, quoi. On a eu Alexandre Delage avec Sortie des Boulamites et Émilie Gauthier avec Veux-tu sortir avec moi. Il nous reste Simon Fitzbé qu'on va entendre avec sa chronique Paul is Dead, Les Incorrigibles et Stéphanie Gagné avec Ton plat favori. Mais avant ça, on n'a pas juste des chroniqueurs qui font des chroniques informatives ici à Assemblage Requis. On a aussi Vidon Adore la question et ils ont fait pas mal de chroniques en 2010. Je trouve qu'ils ont été pas mal productifs cette année. Et là, on va écouter un trio de chroniques sur les Olympiques. Donc, on va pour commencer se transposer dans le quartier général des organisateurs des Jeux de Vancouver pour découvrir comment on gère la préservation de l'image de marque des Olympiques. Bon, tout le monde, est-ce que vous êtes en forme? Oui! Oui, bon. Bon, comme vous le savez, notre équipe de surveillance est là pour s'assurer que les Jeux se passent bien. Je veux pas que personne nuise à la tenue des Jeux Olympiques ou travestisse ce glorieux symbole de l'idéal humain que sont les Jeux Olympiques. Parce que les Jeux, vous savez... Hey, tout le monde! Sont... Je viens de tomber sur un cas de violation de l'image olympique! Ah ben, ça commence déjà! Je reviens de chez AEW, puis ils utilisent le logo olympique sans notre consentement! Checkez ça! Ils ont sorti des onion rings olympiques

et quelques villages entiers à brûler. Bref, tout va bien. Et soyez assurés, suite à la demande de Claude Mayotte, tous les athlètes masculins qui participeront aux Jeux de Sochi seront soumis au test de masculinité. Un bon coup de pied dans les chenolles. Sur ce, voici Garou pour interpréter l'hymne national russe. Garou a réussi le test de masculinité. Bravo, Garou! Ah! Un trio de capsules sur les Olympiques de Vancouver de la part de Vidon. Alors la question, Mathieu Saint-Onge, Luc Archambault. Il nous reste un paquet. J'estimerais environ à un paquet le nombre de chroniques qu'on entend d'ici la fin de l'émission dans une heure et demie. On a aussi d'autres chroniques choisies par nos chroniqueurs d'Assemblage Requis. Mais avant ça, ça fait un petit bout qu'on n'a pas entendu de musique. Donc voici Colorado et Riverside au 89.1 FM. Ah ouais, ouais. Bonjour, c'est toujours dans le guide de l'utilisateur d'Assemblage Requis où on regroupe les chroniques préférées de nos chroniqueurs. On leur a demandé c'est quoi votre chronique préférée de l'année, hein? Puis ils nous ont répondu. Donc tantôt on va entendre Simon Fitzbé avec Paul is Dead, Les Incorrigibles et Stéphanie Gagné. On a aussi plein d'autres capsules de vidéos à avoir la question à entendre. Mais avant ça, voici Tegan and Sarah avec The Ocean au 89.1 FM.

Et moi, j'ai adoré ces 19 minutes-là. J'ai trouvé que c'était un moment bonbon avec les gars des Incorrigibles. C'était savoureux. Je vous rappelle l'adresse, lesincorrigibles.tv. Lesincorrigibles.tv. Vous êtes à Assemblage Requis, guide de l'utilisateur. On vous présente les chroniques préférées de nos chroniqueurs. Donc, on a demandé à chacun de nos chroniqueurs de choisir la chronique préférée parmi les chroniques qu'il avait fait à Assemblage Requis. Hein? C'est une bonne idée, je trouve. Ça roule très, très bien. C'est vraiment très divertissant. On prépare aussi quelques bonnes vieilles capsules de Vidon à la question qui ont été créées en 2010. Donc, le plus récent matériel de Vidon à la question. Et c'est d'ailleurs avec ça qu'on continue. Et notre prochaine capsule parle d'un animateur de radio qui fait gagner un set de vaisselle à une auditrice chanceuse, toi. Vidons-la dans la question. Hey, salut la gang! Aujourd'hui, pour vous autres, on a un ensemble de vaisselle à faire tirer. À go, on ouvre les lignes, la gang. On prend le troisième appel. Un, deux, trois, go! Allô? Salut, à qui je parle? Valérie! Salut Valérie, c'est toi qui gagne le set de vaisselle, t'es-tu contente? Ouais, mais folle contente! Valérie? Ouais? Il y a juste une condition avant qu'on t'envoie ton set de vaisselle. OK! Il faut que tu te débarrasses de ton ancien set. Ah ouais? Ouais, puis on veut l'entendre à la radio que tu t'en débarrasses. Vous êtes malade, vous voulez que je casse toutes mes assiettes? T'as tout compris, Valérie. Mais là, ça craque pas! Ben là, y a rien là, on va t'en envoyer un neuf. Vas-y, Valérie, ouais, chop chop! Hey là, j'ai pas entendu de la coutellerie, Valérie. Tu vas aller tout me flusher ça dans le bol, puis tout de suite, on veut l'entendre, ah ouais. Ça va tout déborder. Tu le veux-tu ou tu le veux pas, ton set de vaisselle, Valérie? Considère que ton set de vaisselle est dans mal. Maintenant, t'as-tu un chien, Valérie? Parce que Valérie, ouais? T'es notre troisième appel, puis notre troisième appel gagne un set de 8 chiens husky puis un kit à traîneau! Vous me gâtez, les boys! Vous êtes cabotés, là! Sauf qu'avant de t'envoyer ça, Valérie, faut que tu fasses quelque chose pour nous autres? Oui! Faut que tu te débarrasses de ton ancien chien, Valérie! Ah ouais, on va entendre ça à la radio! Oh, excuse-moi, Pinotte! Bon, good job! À cette heure, t'as-tu des seins, Valérie? Va en fenêtre de ton salon. OK. Check, tu vois ça en bas? Tu vois-tu le troc de ta station de radio préférée en bas chez vous? Hein? Ah, ben oui, ouais! Allô? Qu'est-ce que tu dis? Allô? Ben oui, allô, Valérie. OK, Valérie, montre-nous ça, ces beaux seins-là. Ah, ouais. Non, on fait pas tirer de faux seins, c'est juste qu'on voulait prendre une belle photo de notre grande gagnante. Pis coudonc, Valérie, tant qu'à être les boules à l'air de même, bouge pas! On va t'envoyer un t-shirt! Hey, ça te donne envie d'écouter cette station-là, moi, ma station préférée. Hein? C'est pas si fou qu'il ferait ça, hein? Vraiment pas. C'est fou, par exemple, cet été, vol en parachute, ça vous tente d'être à l'écoute de C'est fou pas mal à tous les jours. À un moment donné, cet été, on va faire tirer ça. Fait que soyez-y, il va aussi y avoir de la pizza. La pizza! Mais on n'est pas là pour parler de concours parce qu'en ce moment, vous êtes dans le guide de l'utilisateur d'Assemblage Requis. Donc, on vous présente les chroniques préférées de nos chroniqueurs et les chroniques de Vidéo à la question qui ont eu lieu cette année, en 2010. D'ailleurs, je vous rappelle d'aller sur la page Facebook de Vidéo à la question pour entendre tous ces sketchs-là et même quelques autres sketchs qu'on n'aura pas le temps de jouer, entre autres des sketchs improvisés et performés en direct à la radio de Radio-Canada. Donc, allez voir la page Facebook via l'assemblagerequis.com. Après la pause, il nous reste la chronique préférée de Stéphanie Gagné. Oui, future co-animatrice d'Assemblage Requis à partir de la semaine prochaine, en fait, tous les jeudis entre 15h et 18h. En rappel, les samedis entre 16h et 19h. Stéphanie Gagné va être avec moi pour animer en direct ici dans les studios de C'est fou, donc soyez-y. Mais après la pause, ça va être sa chronique préférée. Celle sur les années 80. J'ai très, très hâte d'entendre ça. Mais avant, un autre bon vieux flashback. Voici de quoi avait l'air Assemblage Requis en 1988. Bonjour et bienvenue à Assemblage Requis, votre émission du retour en compagnie de Kiwan Rakovchinski et de Mathieu Plante. Merci Kiwan. Aujourd'hui, dans la chronique technologique CNX, on va parler d'une autre invention révolutionnaire venue tout droit du futur qui permet de communiquer des informations partout à travers la planète, en direct et en temps réel. L'Internet. Ha ha! Quel abruti ce Mathieu Plante! Communiquer des informations sans même le téléphone! Aussi, dans sa chronique cinéma, la séduisante Manon nous parle d'une étoile montante du cinéma, Michael J. Fox, et son tout dernier film, Retour vers le futur. Mais tout d'abord, on commence en musique avec le dernier single de Samantha Fox. Rassemblage qui pour toi aujourd'hui. Vous écoutez le guide de l'utilisateur d'assemblage requis. Mesdames, messieurs, transportons-nous chez le groupe Crossette, une boîte de communication indépendante spécialisée dans l'image publique qui propose des solutions aux agences d'artistes et aux entreprises culturelles. Pis Jean-Robert, grosse journée. Bah, la poutine habituelle, j'avais comme mission de nuire à l'image publique de Cœur de Pirate, fait que j'ai mis des photos d'elle tout habillée sur Internet. Pas pire, ça, j'irai voir ça, ça va faire changement, hein? Tout le monde, on a une urgence! Je viens de lire les critiques du nouveau disque de Tricot Machine, puis ça a l'air qu'ils ont encore un côté enfantin et naïf trop prononcé. Faut qu'on retape leur image. Tricot Machine, quel nom ridicule. Pourquoi pas Bingo des Broussailleuses ou Macramé Gonaclou ou je sais pas, moi, n'importe quel autre passe-temps de petit vieux jumelé à un nom d'engin viril, hein? Oui, oui, oui. Genre, comptage de scène, moissonneuse-batteuse. Ou réciter le chapelet, Chainsaw. Ou sucer une paparmane si ronde. Oh, j'en ai une bonne. Écoutez du Mireille Mathieu, dildo à pic-pic. Ouais. Ah, Tricot Machine. Nya, nya, nya. Le petit ours. On a quel âge, là? Oh, je le sais. Ils infantilisent tellement leur public qu'à un moment donné, il va falloir distribuer des couches pis des lavettes pendant leurs entractes. Ben, si jamais Jeannine Tuto pis Claude Dubois viennent voir le show, ça pourrait servir. En tout cas, je suis sûr qu'ils vendraient deux fois plus de disques s'il était juste une coche un peu plus méchant pis viril. Ouais. Peut-être qu'on pourrait leur suggérer des middle names de tough. Du genre Mathieu, Ron Jeremy Beaumont, puis Catherine, Maurice Mom Boucher, le duc. Ah, papin, ouais. Oui, ou encore on pourrait miser sur la méthode Tom Jones. Mathieu pourrait se rembourrer les culottes avec un salami. Ou la méthode Tom Jones couplée à la méthode Black Sabbath. Ben oui, Mathieu, en plus d'avoir un salami dans les culottes, il pourrait croquer dans une tête de chauve-souris. Oh oui, puis tout le public pourrait cracher à tour de rôle dans un seau, puis après Catherine pourrait le boire sur la scène, comme Ozzy. Ben oui, puis à la fin de leur carrière, ils seraient tellement gelés comme des balles qu'ils seraient plus rien que bons à jouer dans une sitcom avec leurs enfants. J'achète! Tourne la gang, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, je suis passé chez Sushi Shop. C'est dur à dire, je suis passé chez Sushi Shop. En tout cas, on va se bourrer à face. Puis la mauvaise nouvelle, ben, Musique Plus est dans la merde. Ils ont pas assez de contenu canadien, fait qu'à gros, on trouve des idées. 1, 2, 3, go! Bon, ben, si on regarde ce qui pogne à Musique Plus en ce moment, c'est drôle, on en parlait justement, c'est Ozzy Osbourne, sa famille. Hulk Hogan, pis sa famille. Les gars de Kiss, pis sa famille. Toutes des has-beens avec les familles. Il me semble qu'on en manque pas d'has-beens au Québec. Oh non, il en manque pas! Qu'est-ce que vous diriez de Michel Girouard pis sa famille? Ben voyons, il est gay, Michel Girouard, c'est pas une grosse famille, ça, là? Ouais, ce serait plus un one-man show. Ben, je sais pas, on pourrait appeler ça Infoman, On-Man. Ouais, ou peut-être, les boys, hein, ça, hein? Michel Girouard, non? En tout cas, pas sûr. Ah, attendez, je l'ai. Qu'est-ce que vous diriez de moi et l'autre, pis l'autre avant, c'était un gars, mais là, c'est un caniche? Hein? Hey boy, ou encore hey man, hein? Une autre capsule de vidéo à la question avec Mathieu Saint-Onge et les Carchambault, toujours avec Crossette Communication. En passant, vous pouvez aller voir leur page Facebook pour retrouver quelques capsules qu'on n'aura pas le temps de jouer dans ce spécial guide de l'utilisateur d'assemblage requis. Ben, cette émission spéciale, c'est où on vous présente les chroniques préférées des chroniqueurs d'assemblage requis. Donc, on a demandé à tous nos chroniqueurs quelle était leur chronique préférée qu'ils ont fait depuis le début d'assemblage requis. La prochaine et la dernière, c'est Stéphanie Gagné. Voici sa chronique qu'elle a choisie, celle sur les années 80, le 4 février 2010. Oui, et c'est le moment maintenant d'accueillir Stéphanie Gagné avec son thème qui part de façon très brusque. Donc, on va faire vraiment très attention aujourd'hui. Non, personne ne comprend, mais on va s'expliquer ça un peu avec Stéphanie Gagné. Bonjour. Bonjour. Ça va?

au jour le jour, mais avec un décalage de 20 ans à peu près aujourd'hui. C'était la chronique préférée de Stéphanie Gagné dans Ton plat favori. Je la remercie, elle, qui va co-animer avec moi l'émission Assemblage requis à partir de la semaine prochaine. Ça va être jeudi entre 15h et 18h. On rappelle les samedis entre 16h et 19h. Soyez-y. Je remercie aussi les incorrigibles Simon Fitzbé, Émilie Gauthier, Alexandre Delage, Maxime Lemieux-Ramé, évidemment Kiwan qui a co-animé l'émission avec moi jusqu'à la semaine dernière. Merci à Vidon Allons la question. Merci à tous ceux que j'oublie, les autres qui ont participé à l'émission, dont Martin Bertrand qui a passé ses chroniques, mais c'était pas les premières fois qu'on les passait. Mettons que ça a joué pas mal beaucoup, donc c'est pour ça qu'on en a pas joué aujourd'hui, mais on le remercie quand même. Si vous écoutez en direct le jeudi, ça va être la spirale qui va suivre à 18h. Si vous écoutez le samedi, restez là jusqu'à 21h pour entendre le vestibule avec Jean-François Fecteau. Moi, je vous retrouve lundi à 15h pour les palmarès c'est fou. Et puis, ben, à la semaine prochaine. Et puis, on se quitte avec une pièce de OK Go qui s'appelle All Is Not Lost. Avant OK Go, il va y avoir un dernier extrait flashback du bon vieux temps, dans le temps de Mikey One, un extrait de 1999. On se quitte là-dessus. Passez une excellente semaine. Bye bye. Bonjour et bienvenue à l'émission Assemblage requis en compagnie de Kiwan et de Mathieu Plante. Aujourd'hui à l'émission, dans la chronique technologique CNX, je vous parle du plus grand événement du millénaire. Il faut absolument pas que vous ratiez cette chronique-là, ça pourrait changer votre vie. Ça va vraiment, ça va être la fin du monde. On va tout passer au cash, Kiwan. Faut que tu m'écoutes, c'est le bug de l'an 2000. Faut pas oublier ça. Ah, d'habitude, je trouve toujours ces chroniques ridicules, mais j'avais eu tort avec Internet et le four micro-ondes, donc cette fois-ci, je vais te prendre au sérieux, Mathieu Plante. Aussi, dans sa chronique Voyage, Marie-Ève nous parle de sa visite des tours jumelles de New York. Mais on commence l'émission en musique avec tout nouvel extrait de la formation alternative Okoumé.